La science CQFD, Natacha Triou. Pour ce réveillon de Noël, on vous sert de la science qui émoustille les papilles, de la physique chimie. À feu doux avec les deux représentants de la cuisine moléculaire en France, Thierry Marx et Raphaël Aumont sont nos invités. Prenez un blanc d'œuf cru, mettez-le à cuire, il était jaunâtre, translucide, il devient blanc, solide, opaque. Il s'est passé des tas de réactions physico-chimiques. La gastronomie moléculaire, c'est cette science pour bien comprendre ce qui se passe dans une casserole. Depuis 15 ans, ils mettent la physique au service du goût et ils explorent ensemble la cuisine de demain. Du laboratoire au fourneau, du tablier à la blouse du chimiste, il n'y a qu'un pas. Thierry Marx et Raphaël Aumont, la science sur le gâteau. Thierry Marx, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef cuisinier multi-étoilé, membre fondateur du Collège culinaire de France et vous avez créé en 2012 le Centre français d'innovation culinaire avec Raphaël Aumont. Raphaël Aumont, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en physico-chimie des matériaux, professeur à l'université Paris-Saclay et vous y dirigez la chaire universitaire cuisine du futur. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là avec nous et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, en podcast, sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, mais aussi sur Twitter, sur X, pour notre live tweet. C'est dès maintenant @sciencesqfd. Alors, quels ont été les apports des sciences en cuisine, aussi bien sur les aspects biophysico-chimiques que de la physiologie, de la cognition, de la dégustation? Comment la physique et la chimie peuvent-elles être des outils de créativité culinaire? Et que peut-on attendre de la cuisine de demain? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec les premiers pas, les premiers gestes de la cuisine moléculaire. C'est notre archive du jour de 1993. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, on va vous faire une pièce de bœuf, tout bêtement, avec du gras. Ah, pas tout bêtement, hein. Ouais, mais c'est simple comme tout. Ouais. Vous allez voir. On maîtrise pas la chimie qu'on est en train de faire, hein. La cuisine, pour Maïté, c'est tout simple. Mais pour Hervé, le chimiste qui est à ses côtés, c'est très compliqué. Des centaines de molécules, des milliers de réactions chimiques. Alors, on met la poêle à chauffer, bien à rouge. Il faut qu'elle soit bien chaude. Je mets ma graisse de canard. Bon, alors, on met notre pièce de bœuf dans cette poêle bien chaude. Voilà. Alors, vous savez ce que vous faites, là? Ah, alors là, on la laisse cuire, mais on ne la sale pas, mais on ne la pauvre pas. Voilà. On peut mettre en la rigueur du poivre, mais pas du sel. Ni du sel, ni piqué, hein. Ni le piqué, mais non. Une pièce de bœuf, c'est un faisceau de fibres musculaires. En coupe, cela donne des petites cellules d'un dixième de millimètre de diamètre. Chaque cellule est enrobée d'une gaine de collagène rouge vif. Le collagène est une protéine très résistante qui donne sa dureté à la viande crue. Donc première opération, vous brunissez très fort, vous voyez, ça change de couleur. Voilà, hein. Et bien sûr. Alors ça c'est... La science explique ça. Mon Dieu. Et elle dit qu'il y a un ensemble de réactions chimiques qui font, qui sont des réactions où les molécules brunissent, qu'ils appellent des réactions de brunissement ou réactions de Maillard et qui font que ça sent bon là, vous savez, ça sent plus la viande crue. Hein. Voilà. Oui, ça sent la viande cuite. Hein. Alors là, vous êtes en train de faire plein de réactions chimiques, des réactions de Maillard, plein à la fois. C'est pas beau, ça? Oui, oui, oui, c'est beau. C'est ça bien. M'a rendu compte. Et puis ça commence à sentir bon. Oh là là. Une molécule qui s'appelle la myoglobine, qui est une molécule, oui, oui, oh, c'est avant, mais qui est une molécule qui a une couleur rouge. Quand on la cuit, elle devient brun, et voilà, c'est vrai belle. Ce que vous savez pas, peut-être, c'est qu'à l'intérieur, il y a les cellules musculaires de la viande, bon, c'est le truc qui se contracte, ouais, qui sont enrobées d'une gaine. Et est-ce que vous croyez que quand on fait cuire un morceau de bœuf, on pense à tout ce petit bazar que vous nous expliquez? Ben oui, vous y pensez, parce que vous prenez pas, par exemple, pour faire cette pièce-là, vous n'allez pas prendre du collier. Ah non. Ah, bah, voilà, donc c'est... Ah, oui, alors vous prenez un bœuf qui est un bœuf hypertrophié, très Maïté et la chimie en 1993 dans Envoyé spécial. Thierry Marx, Hervétis et Maïté sont quand même deux mondes complètement différents. Bah c'est le mariage de la carpe et du lapin, mais on pourrait dire ça de notre rencontre avec Raphaël. C'est vrai qu'on a quelqu'un qui, comme Maïté, qui a construit son parcours de chef en observant, sans analyser, et puis en rangeant soit dans la case tradition, soit dans la case astuce de chef à son nombre de paramètres. Or que le scientifique lui dit, non, non, attendez, on va analyser ce qui se passe et je vais éclairer la connaissance. C'est deux mondes un peu différents. Un monde qui vit dans le fantasme et qui crée de la gourmandise, c'est le fantasme qui crée la gourmandise. Et les sciences qui disent, attention, on peut peut-être faire mieux, on peut peut-être améliorer un certain nombre de choses si on pousse un peu l'analyse de certains paramètres. Raphaël Aumont, je vous voyais sourire pendant cette archive. Comment ça vous a fait réagir cet extrait sonore? C'est toujours intéressant, effectivement. Ces deux personnages, d'ailleurs, que je regardais, moi, étant petit aussi. Et puis, j'ai eu la chance de travailler aussi avec Hervétis pendant mon master. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette presque confrontation entre science et cuisine, mais il faut que ce soit au service après de la cuisine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait celui qui fait et qui comprend rien, celui qui sait et qui donne des leçons, ça marche pas. Et toute l'innovation, et c'est vraiment ça, ce travail passionnant avec Thierry depuis une dizaine d'années, enfin un peu plus maintenant, mais c'est justement se dire on va faire ça au service de l'émotion, au service du plaisir, au service des nouveaux enjeux aussi de cuisine. On y reviendra certainement dans la cuisine de responsable et du futur, mais voilà, c'est vraiment la science au service de l'émotion culinaire. Mais justement, pour mettre tout ça un peu en perspective, Thierry Marx, à quel point la cuisine a-t-elle besoin de la science? Alors, la cuisine a besoin de la science dans un deuxième temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut faire naître le désir de manger, donner envie à des gens envie. Donc, il faut faire évoluer ça, bien évidemment, et la science va nous aider à évoluer. Je peux déclarer que je sais faire un œuf parfait, je ne sais pas l'expliquer. Et donc, j'ai besoin d'un certain nombre de compréhension, de connaissances scientifiques pour dire, non, moi, je peux le faire parfait, à tel degré, de telle façon, pour qu'il crée une émotion. Comment je vais créer une émotion? Parce que la cuisine, c'est donner de la mémoire et de l'éphémère. C'est un jeu de texture et de température. Donc, je peux jouer avec cette texture et cette température. C'est mon histoire entre la science et moi. Le client, lui, le consommateur, le mangeur, lui, doit se dire, j'ai du plaisir. Et ce plat, je vais m'en rappeler pendant des années. Mais il faut accélérer un certain nombre de choses. Quand vous voyez une réaction dite de Maillard, par exemple, nous, chef, on connaît le brunissement de la viande. Son explication peut vous apporter une petite connaissance supplémentaire sur le degré précis sur lequel vous le devez la cuire, qui va encore donner plus d'émotion à votre mangeur. Et c'est là où la science est un complément extrêmement intéressant pour l'artisan. Et en même temps, c'est toujours bon de décloisonner les choses pour aller chercher de la curiosité qui vous fait vous épanouir. D'abord, il y a une phrase, et je clôt là-dessus, c'est Escoffier. Escoffier, 1903, dit sur son guide culinaire, en 1907 ou 1910, « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. » Parce qu'il sait bien qu'à un moment donné, on invente des choses pour faire rêver, c'est Kung Fu Panda. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Et le fait qu'il n'y ait pas de secret, c'est qu'à un moment donné, la science vous explique que, c'est pas un secret, ça s'explique parce qu'il y a telle ou telle réaction. Raphaël Aumont. Oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai juste rebondir sur ce que vient de dire Thierry, c'est-à-dire que quand on parle de réaction de Maillard, effectivement, vous avez expliqué, déjà, il y avait Bria Savarin qui parlait d'osmazone sans trop savoir, mais il comprenait bien qu'il y avait des réactions chimiques dans la casserole. Aujourd'hui, on est capable d'analyser tout ça. Mais surtout, on se dit, tiens, ok, alors, c'est des protéines qui réagissent avec des sucres à haute température. Effectivement, il y a des brunissements, il y a des odeurs qui apparaissent. Mais on se dit, pourquoi réserver les réactions de Maillard qu'à la viande? Aujourd'hui, on parle du monde végétal, il faut végétaliser l'assiette. Eh bien, on peut cuire différemment les légumes. Au lieu de les laver dans l'eau dite à l'anglaise, eh bien, on peut se dire, ok, il y a des légumes qui sont riches en sucre, des légumes qui sont riches en protéines. Si on met les deux ensemble dans une casserole et qu'ils vont cuire ensemble, alors il y aura aussi des réactions de manière végétale. Et ça, on peut... Donc le fait d'expliquer les choses, ça permet de prendre un peu de recul et de se dire, on peut innover du coup. Donc maîtriser et innover. Et quand on parlait de l'œuf, c'était... on a encore fait, vous voyez, on est en 2023, on est encore au laboratoire en train de cuire des œufs, mais on fait ce qu'on appelle des sortes de matrices, il y a un côté laborieux, laborantin aussi. Donc on va cuire à 85, 95, 65, 70, enfin, il y a une cartographie, et combien de temps? Et on s'est rendu compte encore, c'était un an en fait, lorsqu'on a préparé l'exposition à la Cité des Sciences, on a mis des étudiants à cuire des œufs, et on s'est rendu compte que, vous savez, il y a les règles en cuisine, le 3-6-9, sur les sabliers. Voilà, c'est ça. Mais l'œuf à la coque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est souvent déçu. C'est-à-dire, il y a un blanc d'œuf qui est bien cuit, et puis il y a toujours cette espèce d'œuf qui est blanc, qui est un peu visqueux autour du jaune et qui n'arrive pas à cuire. Donc le 3 minutes à 100 degrés, finalement, c'est pas optimal. Et en faisant ce travail de laboratoire, on s'est rendu compte que 6 minutes à 85 degrés, là, c'était idéal. Mais vous voyez, il y a ce côté... sortir un peu de la cuisine, aller dans un laboratoire, passer du temps à cuire des centaines d'œufs à différentes températures et temps, avoir une cartographie, et après donner ça à un chef et lui à dire « Ah, ça c'est cette texture-là qui est sympa ou qui m'intéresse ». Et donc voilà, c'est un peu prendre du recul pour comprendre ce qui se passe quand on cuisine. De degrés de différence sur la cuisson d'un œuf, c'est énorme. C'est énorme. Mais en fait, c'est énorme. C'est-à-dire que même quand on apprend à point saignant, bien cuit, tout se joue à 2 degrés près, en fait, entre le 54, 56 degrés pour un quasi de veau, ça change tout. Voilà. Ça laisse penser pour la planète. 2 degrés de plus, pardon, mais. Ah oui, mais ça, on pourrait y revenir sur d'ailleurs. Sur la planète, on pourrait y revenir parce que là, il y a une incidence sur l'eau. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que le chef fonctionne par recette. Ce qui n'est jamais le cas dans un laboratoire. On fonctionne sur des cahiers d'essais. Et c'est l'analyse de ces essais qui fait qu'on progresse. Mais nous, on se dit, bon, allez, j'ai modifié, j'ai enlevé 5 grammes de sucre, 3 grammes de sel, et puis j'ai mis un petit peu moins de lait, et j'ai rajouté de la crème, et j'ai réinventé une recette. Non, on n'a pas changé grand-chose en termes de paramètres. La gastronomie moléculaire, c'est donc l'étude scientifique des phénomènes qui se produisent lorsqu'on cuisine. Mais comment vous la définissez, vous ? Comme un outil de compréhension. Tout simplement ça, j'ai pas essayé de vendre à mes clients mangeurs l'idée que la science allait me faire autre chose que la cuisine que je souhaitais faire, mais moi j'ai déduit que c'était un outil, une boîte à outils finalement, de compréhension pour évoluer, sinon je change rien. J'aurais continué à faire quasiment la même cuisine qu'il y a 20 ans. Et moi, je voulais progresser. Je faisais partie de ces chefs qui voulaient progresser et créer de nouvelles émotions. La cuisine, c'est aussi de permettre à des gens, encore une fois, je me répète un peu, mais c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Donc, vous ne pouvez pas faire la même cuisine que le voisin. Il faut vous en détacher un petit peu pour donner de l'émotion et trouver un public qui vient chercher une autre expérience de cuisine. Est-ce qu'on rentre dans un restaurant aujourd'hui parce qu'on est mort de faim ? Non, on vient chercher une expérience, quelle qu'elle soit, du bistrot à la brasserie, du sandwich chez le boulanger, mais on rentre et on se dit, bah, je vais avoir une émotion. Alors elle est globale, et nous, dans mon histoire de cuisine, j'ai fait entrer la science, parce que c'était un outil pour m'aider à progresser dans l'émotion, pas dans une espèce de donneur de leçons qui expliquerait que c'est ça la connaissance et qu'il n'y a pas à aller voir ailleurs. Ben non, c'est pas le sujet. Et vous dites dans une interview avoir été frappé lorsque le Times avait titré « L'innovation culinaire n'est plus en France, elle est ailleurs ». Oui, c'était choquant, oui. Parce que on était en plein dans les années 2006, il me semble. Et je lis ça en couve du Times, du magazine Times, et la cuisine française, en gros, avait perdu toute son innovation, et c'est l'innovation était ailleurs, donc en Espagne, en Angleterre, avec des gens comme Eston Blumenthal ou David Scabin en Italie, ou Ferran Adria, et que nous, rien. Et finalement, tout le monde se rangeait derrière ce dictat. Donc je me suis dit, bah, il faut déranger. Mais le problème, c'est que quand vous allez chercher de la connaissance de d'autres innovations, vous dérangez des cercles. Et le risque, c'est de vous faire taper dessus. À propos d'innovation, on parle de cuisine moléculaire, mais aussi de cuisine techno-émotionnelle. Raphaël Houmont, quelle est la différence, enfin, sur quoi se fondent ces distinctions ? Bah, faut distinguer la recherche, on va dire la science, qui s'intéresse finalement à la cuisine, mais on voit dans la cuisine des matériaux. C'est-à-dire que, justement, vous parliez en introduction, ce blanc d'œuf qui était liquide mais qui devient solide, ce steak qui change de texture, la mie de pain, par exemple, plus vous travaillez le gluten, plus il devient élastique. Mais voyez, on parle de matériaux élastiques, plastiques, ruptures, brunissement. Il faut voir finalement cette cuisine comme une source de matériaux qui vont être transformés. Et qui dit transformation dit réaction chimique. Voilà. Et alors après, on peut y mettre de la physique, de la chimie, de la biologie. On y met ce qu'on veut. C'est des sciences en général au service de la cuisine. Moi, je vois ça uniquement comme ça. Vous avez des exemples justement de recettes que vous avez élaborées grâce à la cuisine moléculaire ? Ah, oh, il y en a certains. Oui, il y en a beaucoup parce que d'abord on a appris à déstructurer le produit. C'est-à-dire que c'est quoi une tomate ? La peau d'une tomate, c'est extrêmement intéressant. C'est quand même un contenant assez incroyable qui contient 90% d'eau. Donc c'est une puissance incroyable. Après, quand vous séparez une tomate, que vous la centrifugez tout simplement, vous récupérez cette eau qui est très intéressante, très aromatique. Vous récupérez des fibres, très intéressante pour en faire une texture. Vous récupérez du lycopène, vous pouvez faire un laquage. Et hier, je refaisais un turbo amiral, vous voyez, une recette très classique. Et je me suis servi du lycopène de la tomate pour laquer le morceau de turbo ou colorer naturellement la farce qui va sur ce turbo. Ben voilà, ça me sert à cela. Et dire, attention, si je cuis trop fort ce lycopène de tomate qui est naturel, bien là, je vais avoir un brunissement, c'est pas joli. Donc, il faut que je reste sur cette barrière des 40-45 degrés, pas plus. Et il y a ça. Et puis, il y a comment tout ça m'a fait évoluer. C'est-à-dire que je pouvais continuer à faire en sorte que ça sente bon dans la cuisine. Je peux dire une béarnaise, échalote, estragon, faire réduire. Bah, vous faites réduire quoi ? Des herbes qui ne peuvent pas dépasser 40 degrés. Donc c'est inutile. Donc on va dire, on va arrêter de faire évaporer ces herbes, on va les contenir dans par évaporation, et on va nourrir cette sauce béarnaise beaucoup plus naturellement que de faire réduire et de rajouter ensuite encore quelque chose pour donner du goût. Vous voyez, c'est plutôt des gestes techniques qui m'ont été apportés par une connaissance de la transformation des produits, comme je l'ai évoqué, pour dire, mais c'était quand même un peu stupide de cuire, par exemple, 1 kilo de haricots verts dans 10 litres d'eau, or que l'ingrédient qui va nous coûter le plus cher dans les années à venir, c'est l'eau et l'électricité. Donc, or que la science me dit, mais attendez, pourquoi vous mettez de l'eau? C'est 80% d'eau, un haricot vert. Un tout petit peu de matière grasse, une cuillère à soupe d'eau, et vous cuisez vos haricots verts, et ils vont être parfaits. Donc, vous voyez, ces mécanismes-là de compréhension font évoluer la cuisine en général. Il y a des années, du temps d'Escoffier ou du temps de Brillat-Savarin, il aurait fallu des dizaines d'années pour essayer de comprendre, mémoriser les choses et de dire, il y a une forme de magie là-dedans. La science vous éclaire et il n'empêche que vous n'êtes pas obligé de communiquer là-dessus. Mais en tout cas, vous nourrissez les gens de meilleure façon. Et d'ailleurs, vous avez aussi montré combien il était stupide de mettre autant de beurre, autant d'œufs pour faire une mousse au chocolat. Au chocolat avec de l'eau. Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est revenir aux fondamentaux de la recette. Qu'est-ce qui fait, quand on parle d'une mousse au chocolat, soit on prend un grand chocolat, on parle aujourd'hui du chocolat comme un grand cru. Il y a des roues aromatiques, comme il y a le roue aromatique des vins, etc. Donc on se dit, ok, alors ce chocolat, soit je l'aime comme ça, spontané pour son amertume, sa sucrosité, le côté fibre, etc. Soit on veut le transformer, on parlait tout à l'heure de transformation de texture, donc on veut le faire mousser. Alors effectivement, on peut se regarder dans les recettes, et la première ingrédient qu'on demande pour une mousse au chocolat, tous les gens ils disent des œufs. Alors pourquoi on met des œufs? Parce que il y a le blanc d'œuf qui mousse. Et vous voyez, c'est le pourquoi des choses. Et on se dit, oui, mais est-ce qu'on peut pas faire mousser aujourd'hui avec les connaissances qu'on a, les techniques qu'on a, mais sans œufs? Il n'y a pas que les œufs qui moussent. Et pourquoi ça mousse? Et en fait, on se rend compte qu'on a juste besoin. Alors c'est là que la science va être beaucoup moins gourmande. Mais si on décrypte ce que c'est qu'une mousse au chocolat, on se dit, c'est du gras, de l'eau, de l'air. Voilà. Alors c'est des émulsions, etc. Je vous passe le détail. Mais on se dit, ok, si j'arrive à mélanger dans les bonnes proportions de l'eau, du gras, de l'air, j'ai une texture mousse au chocolat. Donc conclusion, le chocolat c'est déjà du gras, c'est du beurre de cacao. J'y ajoute de l'eau minérale comme ça, vraiment au niveau, il y a rien comme goût parasite. On vient juste aller chercher ce fameux goût de chocolat qui nous intéressait. On mélange les deux, on fait une émulsion. Et on peut mettre aujourd'hui dans un siphon, mais on pourrait très bien monter ça, entre guillemets, à l'ancienne, dans un bain de glace, comme une chantilly. Et ça va mousser. Et on aura bien de l'eau, de l'air, du gras. Voilà, vous voyez, et alors après, ça c'est le scientifique, mais maintenant évidemment, il faut que là, il y ait de la gourmandise là-dedans. Donc plutôt que de mettre de l'eau, peut-être qu'un chef va dire, tiens, moi je mets un tas à l'amande, t'es gentil avec ton eau, mais je vais mettre quand même un lait pour avoir quand même un peu plus de rondeur en bouche. Enfin, vous voyez, c'est une histoire après de chef, mais la science peut décrypter ce qu'est une mousse au chocolat. Et on va parler de mousse de chocolat, du coup. Enfin, vous me faites saliver. quels sont les liens entre cuisine et biologie? Quelles sont les bases physiologiques pour comprendre la chimie du goût? Restez avec nous, on répond à ces questions dans un instant. Ils entrent dans le laboratoire. Des poulets, des œufs en forme de cubes. Les œufs cubes, ils sont plus faciles à mettre en boîte. Et les poulets sans plumes? On gagne du temps, on évite de la main d'œuvre. Goûte. C'est du pétrole? C'est exact, c'est exact. Alors maintenant, regarde. France Culture. La science, c'est QFD. Et voilà, c'est de la viande. Oh. Natacha Trio. Goûte. Ah non, goûte. Ah non. Ah non. Ah ben non. En direct sur France Culture, on met les petits plats dans les grands avec Thierry Marx et Raphaël Aumont, qui sont nos deux invités du jour. Nous venons de parler de votre collaboration, de ce qu'est la cuisine moléculaire, de la cuisine pour apprendre la chimie, et de la chimie pour apprendre la cuisine. Alors le goût, c'est un sens chimique, Raphaël Aumont. Pour chaque type de goût, il y a une famille de molécules associées. Oui, alors, trop longtemps, on a réduit la cuisine à une affaire de goût, de saveur. Alors c'est sucré, salé, acide, amer. Puis après, il y a des chefs qui ont été en Asie, ont découvert cette saveur umami, alors qu'elle a été découverte en 1907 par Ikeda, un professeur au Japon. Mais on a réduit la cuisine à 5 saveurs. Et on se rend compte, finalement, c'est une aberration. Et quand tout à l'heure Thierry parlait justement de ces arômes d'herbes qui partaient dans la pièce, eh ben il faut raisonner en termes de parfum, de parfumerie. Et on se rend compte que l'émotion gustative, en fait, flavor en anglais, c'est justement ce mélange entre l'odeur, la saveur, la rétro-olfaction. Et en fait, 80% de la saveur vient plutôt du nez. Et donc, il faudrait plutôt penser à sentir et à manger la nourriture par le nez presque plutôt que par la bouche, si je caricature un peu. Et donc parlons plutôt de notes aromatiques. Et là, dans ces cas, vous mangez de la réglisse, c'est quoi? C'est ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer, ni umami, c'est réglisse. Les fleurs, c'est pareil, les litchi. Oui, c'est un peu sucré, mais c'est plutôt floral. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher boisé, torréfié, empyromatique, cuir, tannique. Vous voyez, vraiment aller s'inspirer de la parfumerie au service de la cuisine. Thierry, je rebondis sur ce qu'il a dit tout à l'heure sur les herbes. Dans les livres, on voit par exemple le bouquet garni. Je trouve que c'est une aberration ce truc. C'est, il y a le poireau qu'on accroche avec la feuille de laurier et le persil. La ficelle, enfin tu me dis que Thierry, si je ne me trompe pas, ouais. Mais on met la ficelle et on balance tout dans, j'allais dire 80 litres d'eau, j'exagère, dans 10 litres d'eau, et vas-y, c'est parti pour 2 heures. Le bouquet garni, on devrait le faire en 3 étapes, c'est-à-dire d'abord le laurier, parce que ça on sait que ça tient à très haute température, et voire même la cuisine indienne, par exemple la Chine, c'est très inspirant, même parce qu'il torréfie les épices, parce que justement il y a des notes qui se révèlent à haute température, donc là, laurier, romarin, on le met dès le début, ensuite à mi-cuisson, note de cœur de casserole. Là, on va mettre le poireau, les carottes, les choses comme ça. Et en fin de cuisson, quand le feu est éteint, là, on peut mettre les herbes aromatiques en dessous de 60 degrés. Vous voyez, ce bouquet garni, il faudrait le décomposer en 3 pour avoir vraiment les notes de cœur, notes de tête, notes de fond. Et là, on utilise le vocabulaire de parfumerie. C'est ça, c'est qu'une dégustation, Thierry Marc, ça met en jeu nos 5 sens. Et vous jouez avec ces 5 sens-là. Oui, on joue avec ces 5 sens-là, parce qu'encore une fois, c'est une question d'émotion. Quand Raphaël parle de rétro-olfaction, il nous est arrivé ensemble de travailler avec des médecins qui regardent un petit peu quand ils passent quelqu'un au scanner, quand ils dégustent quelque chose, quels sont les neurosciences, c'est un peu ça, de regarder un peu ce qui s'anime. Donc vous voyez bien que cette rétro-olfaction, elle ne se passe pas dans l'estomac. Finalement, elles viennent sur une mastication, finalement, donner de l'émotion au cerveau. Et ça, c'est quand même très intéressant. Et nous, les cuisiniers, je pense qu'on doit tenir compte de cela. Surtout pour les chefs qui revendiquent une cuisine d'auteur. Si on est là pour nourrir simplement des personnes pour qu'elles soient à satiété, il ne se passe pas grand-chose, on a avalé tout et son contraire. Mais quand on veut chercher l'émotion, il faut aller chercher ces détails, ces précisions, et puis regarder ce que la science nous apporte. Le problème, c'est que le mauvais raccourci, c'était de dire, si vous vous intéressez à la science en cuisine, ça veut dire que vous vous intéressez à l'industrialisation de la cuisine. C'est tout le contraire. Là, vous avez passé un extrait de Tricatel. Bon, c'est tout le contraire, c'est de dire, non, au contraire, cette curiosité peut faire de nous de nouveau des mangeurs et moins des consommateurs. Vous voyez, parce que, effectivement, l'industrie agroalimentaire, elle va avoir cette volonté de nourrir pas cher. Or que le cuisinier, lui, il a besoin de capter l'attention de ses mangeurs, de ses clients, pour leur donner une émotion un peu différente de celle de son voisin. Donc il avait tort de se couper de la science et de se dire « mais la science ne me sert à rien, la science c'est le docteur, c'est la chimie, ça sent pas bon ». Et la cuisine, c'est que la poésie et la gourmandise. Non, on peut évoluer avec cette curiosité qui est absolument nécessaire dans le monde de l'artisanat. Sinon, cet artisanat, il n'évolue pas et on reste sur des schémas assez anciens. Sur cette curiosité scientifique et sur justement ces sens qui ont un impact sur la perception du goût, il y a aussi donc le toucher. On sait maintenant que les récepteurs olfactifs et gustatifs sont sensibles à différentes températures de dégustation. Oui, complètement. Et on a plein de récepteurs, non pas que sur la langue, mais autour de dans la bouche, sur les gencives, etc. Et même, vous regardez la langue, justement, pendant très longtemps, on a cru que cette langue, elle était coupée en gros en 4 saveurs. Il y avait l'acide sur le bord, le sucré au milieu, enfin. Et on se rend compte que c'est pas vrai du tout, déjà. Il y a que l'amertume plutôt qui est au fond. Et au milieu de la langue, il y a des papilles beaucoup plus grandes, qu'on appelle filiformes. Et justement, elles vont garder elles vont garder l'aliment longtemps, la salive. Et finalement, ce sont plutôt pour l'émotion de texture. Vous voyez, presque la texture devient presque une saveur, en fait. Ça, c'est aussi très japonais. Le fade est une saveur au Japon. Et parce que, justement, on va apprécier l'ingrédient sur la langue, non pour sa texture, plutôt que pour les saveurs. Et ça, c'est intéressant d'aller aussi chercher des saveurs. On parlait tout à l'heure, là. Effectivement, Tricatel, moi, je rebondis aussi là-dessus, parce que... Bah, mais c'est un peu une caricature, si vous voulez, de se dire... la cuisine moléculaire a été longtemps décriée sur la côté chimie. On dit, alors, tu fais de la chimie, t'as besoin de quoi comme produit si tu veux faire de la cuisine moléculaire? Nous, avec Thierry, justement, dès qu'on s'est rencontrés, on s'est dit, on va faire plutôt de la physique. C'est-à-dire, on parlait de la haute température, de la centrifugation, la lyophilisation. Et la physique au service de la cuisine, c'est hyper intéressant parce que finalement, il y a zéro additif. On utilise tous les additifs, entre guillemets, toutes les molécules présentes dans l'aliment, mais on va décomposer tout ça. Et ça, c'est intéressant d'aller regarder ça. Et donc là, on se rend compte qu'on peut jouer sur les textures, sur les saveurs, sur les odeurs, sur les couleurs. On va tout décortiquer l'aliment, mais de façon complètement naturelle. Et ce qui est triste, c'est que le Trikatel, ça nous fait sourire, mais en fait, c'est ce qu'on mange. Vous regardez les cordons bleus actuels industriels, 36 ingrédients. Et c'est, quand il dit, est-ce que c'est de la viande? Bah oui, c'est de la viande, on se demande, en fait, hein, c'est ça, hein. C'est tout un tas d'additifs et il faut surtout pas tomber là-dedans. Et c'est ce qu'on, on lutte contre ça, nous. Par rapport justement à la compréhension de ces mécanismes physiologiques, je reviens sur ces histoires de température, parce que j'ai été très étonné aussi d'apprendre que la température pouvait jouer par exemple sur la sucrosité d'un aliment. Complètement. D'abord, on a un gros défaut dans notre cuisine française, c'est de vouloir tout faire bouillir. Or que si vous prenez la cuisine chinoise, très ancienne, elle va vous dire non, on fait bouillir l'eau pour qu'elle soit propre, et après on va travailler au gradient descendant. Et c'est intéressant de savoir jouer avec ces gradients descendants pour avoir vraiment cette notion de saveur, de texture, qui fait qu'à un moment donné, vous avez une émotion ou pas. Et ça, c'est quelque chose, la température, qui est essentielle. C'est-à-dire que si vous vous brûlez, évidemment, la réaction de votre cerveau est de dire « Oh là, attention, c'est trop chaud, il n'y aura pas d'émotion, protégez-vous ». Or que si vous êtes à la bonne température, à la dégustation, l'émotion est là. Alors les Japonais l'ont très bien compris, le Chinois aussi d'ailleurs, sur le thé au gradient descendant. Un thé qui est assez torréfié, toasté, on va prendre un Aojicha. Bon, vous avez un thé, donc là vous êtes sur les températures 70 pour l'infusion, et vous le dégustez en gros entre 45 et 55 degrés en gros. Mais en dessous, si vous voulez un thé vert très frais, un matcha très frais, il va falloir le déguster entre 40 et 45 degrés. Donc, c'est ce qui va vous donner l'émotion. Et alors, on sait aujourd'hui, il y a pas mal de littérature, justement, Thierry, tu parlais de neurosciences, mais quand on regarde tout ça, on se dit, c'est passionnant. Par exemple, on mange pas non plus aux bonnes températures. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, l'amertume. On sait aujourd'hui que les récepteurs d'amertume, ils sont très sensibles aux basses températures. Donc, si vous prenez notamment les endives, truc que personne ne mange dans les restaurants scolaires, non, mais on sert les endives aux mauvaises températures. C'est à 8 degrés, entre 8 et 10 degrés, qu'on a le maximum d'amertume. Et on mange les endives froides. Regardez le sucre. On parle beaucoup aujourd'hui de désucré, il faut manger moins de sucre. On met les desserts toujours au froid. Alors que le maximum de sucrosité intervient à 34 degrés à peu près. C'est-à-dire que si on servait une tarte un peu tiède, ou juste 34, et ben là, on aurait un excès de sucre, une sensation. Donc le pâtissier pourrait désucrer sa préparation, mais servir un peu plus chaud que cette fameuse tarte qui reste au réfrigérateur. Vous voyez, c'est des astuces comme ça. Et le gingembre aussi, le piquant. Le gingembre, comme le piment d'ailleurs, c'est très intéressant, ça dépend de la dose évidemment. Ça dépend de la température. Si vous prenez du gingembre à 50 degrés, 60 degrés, ça va vous brûler énormément comme le piment. Mais si vous le servez froid, vous avez un côté frais en bouche. Complètement paradoxal. Un sorbet de gingembre est extrêmement rafraîchissant. Ce même sorbet qui serait fondu, servi tiède, il va vous piquer la langue de façon désagréable. Et c'est génial de jouer sur ces températures. Mais ça, c'est la cuisine de Thierry, jeu de texture et de température. Mais c'est passionnant parce qu'on peut vraiment avoir des émotions différentes avec un même produit, mais des températures de dégustation différentes. C'est formidable parce que vous faites aussi l'expérience en direct. Bon, la cuisine, on joue sur nos cinq sens, mais aussi sur les mots. Là, tout ce que vous me dites, ça me fait apparaître beaucoup d'images. C'est important aussi de cultiver la curiosité. Il y a un souci avec ça aujourd'hui dans l'alimentation. C'est mieux comprendre l'impact social déjà d'un produit, d'une cuisine et son impact environnemental. Quand on parlait tout à l'heure de savoir cuire des haricots verts, c'est quand même des centaines de milliers de litres d'eau d'économiser dans nos cuisines. Une eau qui va devenir rare et chère. Sur la curiosité, c'est aussi quelque chose de moteur dans le dernier ouvrage que vous avez publié ensemble en octobre, l'Atlas des saveurs. Vous y répertoriez 1500 accords créatifs et ça, c'est la technique qu'on appelle le food pairing, c'est ça? Oui, les bons mariages, des mariages qu'on n'a pas explorés. Par exemple, les chefs, pendant des décennies, ont exploré un certain nombre de saveurs qui fonctionnaient. On a pris l'exemple de l'endive. L'endive, elle s'accommode d'une sauce mornay ou béchamel entourée d'une tranche de jambon ou pas. Mais ce moelleux de cette sauce un peu crémeuse va adoucir l'amertume et donner finalement un côté très, très sympathique à l'endive. Et ça, tous ces mariages, on les avait par observation. La science grâce à Raphaël, finalement, nous explique qu'on peut être un peu plus audacieux, qu'on retrouve des molécules dans certains ingrédients qui peuvent se marier ensemble. Je vous donne un exemple, vous allez prendre le roquefort et le saké, mais vous pourrez prendre la figue et le café, etc., etc. Et là, vous dites, dans le dressage, il faut être très, très, très inventif, hein, il faut être très créatif, mais après, quand vous faites la dégustation, votre cerveau dit, ah, le mariage, il est extraordinaire. Or, vous n'avez pas exploré ce type de produit. Le concombre et le chocolat, par exemple, ce n'est pas une évidence. Et pourtant, quand vous dégustez avec un dressage adapté et que vous donnez envie de goûter ça, bien le client vous dit « Ah oui, mais ça c'est intéressant, on n'y aurait pas pensé. » Voilà, on n'y aurait pas pensé. Et là, la science peut vous ouvrir des portes en permanence pour faire évoluer les choses. Il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation. La tradition, c'est autre chose. Mais c'est surtout pas l'adoration des cendres, comme disait Mahler. Donc il faut regarder un petit peu tout ce qu'on peut ouvrir pour continuer. Que ce soit, c'est vrai en musique aussi. Hein, c'est-à-dire que on parle de cuisine, mais on pourrait parler de musique, de littérature. Hein. À un moment donné, il faut ouvrir des champs des possibles pour créer de nouvelles voies. Nouvelle voie, en effet, c'est de l'abricot associé à du parmesan, de la carotte, à du fromage de chèvre, de l'oseille, à de la rhubarbe. Comment vous découvrez ces associations? C'est en vous penchant sur leur composition moléculaire? Comment ça marche? Ah oui, c'est une technique, donc c'est une approche vraiment très analytique. C'est-à-dire, la question, c'est pourquoi la mangue a goût de mangue? Pourquoi l'abricot sans l'abricot et à goût d'abricot? Donc en fait, on prend un jus de légumes ou de fruits, on le décortique, donc ce qu'on appelle la chromatographie. Donc en fait, je ne vous ai pas les détails, mais quand vous mangez une mangue, vous mangez 400 molécules aromatiques à peu près. Vous voyez, c'est énorme. Donc on est capable de décrypter ça. On va sortir un graphique qui va ressembler à un code barre. Et on va faire après des comparaisons de tous ces codes barres, de tous les aliments. Et là, l'hypothèse de départ, c'est de se dire, si un aliment et un autre aliment ont plein de points communs, plein de molécules aromatiques communes, alors elles ont excité les mêmes récepteurs, et donc il y a un message cohérent au cerveau. Et effectivement, c'est ce qu'on va dire par, tiens, accord parfait, mangue. Vous prenez mangue, fruit de la passion, fraise, framboise, ça marche, etc. Et donc, poire chocolat, menthe, ça marche aussi bien que chocolat gingembre ou chocolat concombre. Vous voyez, donc c'est des associations comme ça, donc c'est par c'est de proche en proche, et on se dit ça fonctionne. Donc on a vraiment tout posé sur la table, ça a été 3 ans de travail ce livre, et après on s'est briefé pour se dire, allez, on va retenir 1500 trilogies ou associations, pour changer un peu, parce que sinon on peut se dire, oui, alors chocolat noisette, mais on n'évolue pas. Et ça, c'est Darwin, celui qui n'évolue pas meurt ou s'ennuie surtout. C'est-à-dire que moi, c'est une tristesse absolue dans les rayons de yaourt. On se dit, mais on va être condamné encore pendant 20 ans à manger. Il y a 5, vous voyez, il y a pistache, chocolat, mangue passion, pêche abricot. C'est fruits rouges. Fruits rouges, voilà, il y a 6, allez, 6. Et ouais. On se dit, allez, on se lance, on peut découvrir d'autres associations de saveurs et on va s'éclater. Figue café, c'était quand même la belle découverte, quoi. Donc Noël, là, vous prenez un magret de canard, juste fumé, une griotte. Bon, c'est classique. Vous mettez une feuille de menthe glaciale avec. Eh ben, ça décolle, c'est un truc de dingue. Voilà. Tester, vraiment, c'est facile. Mais en tout cas, on continue notre évolution, notre route évolutive culinaire. Que peut-on attendre de la cuisine de demain? Celle de 2050 ou celle de 2070? Restez avec nous. On en parle après ce jazz pour Papilles Gustatives. Banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give it to gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house. Try a tomato plate too. Here's cacciatore, Dory. Taste of bologna, Tony. Everybody eats when they come to my house. I fix your favorite dishes, hoping this good food fills ya. Work my hands to the bone in the kitchen alone. You better eat if it kills ya. Pass me a pancake mandrake, having a derby irby. Look in the fendel mendel. Everybody eats when they come to my house. Hannah, Davy, Tommy, Dora, Andre. Everybody eats when they come to my house. Pasta fazula, Tallulah. Oh, do have a bagel, bagel. Now don't be so bashful, Nashville. Everybody to come to my house. Hey, this is a party, Marty. So there, you get the cherry, Jerry. Now look, don't be so picky, Mickey. 'Cause everybody eats when they come to my house. All of my friends are welcome. Don't make me coax you, moax you. Eat the tables, the chairs, the napkins, who cares? You gotta eat if it chokes you. Oh, do have a knish, knish, yeah? Ask him the latke, matke. Chili con carne for Barney. Everybody eats when they come to my house. Face, Buster, Cher, Chops, Fump. Everybody eats when they come to my house de Cab Calloway, car nous parlons de cuisine moléculaire en direct sur France Culture. Nous nous entretenons tout au long de cette heure avec nos deux invités du jour, Thierry Marx, chef multi-étoilé, membre fondateur du Collège culinaire de France, et avec Raphaël Aumont, chercheur en physico-chimie des matériaux, professeur à l'université Paris-Saclay. Nous avons parlé du food pairing, comment marier des ingrédients inattendus, des goûts qui s'expliquent par l'activation chimique des récepteurs gustatifs et donc de votre cartographie de ces associations. Raphaël Aumont, vous êtes porteur de la chaire universitaire Cuisine du Futur qui propose une formation au sein du Centre français d'innovation culinaire pour transmettre vos savoir-faire aux nouvelles générations de cuisiniers. Pour le reportage du jour, nous avons pu assister à un des ateliers auprès des étudiants. Et c'est avec vous Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha, oui j'ai eu la chance d'entrer dans ces ateliers aux allures de travaux pratiques en chimie. Les étudiants en binôme ou trinôme s'attellent devant leurs produits et instruments de travail comme au laboratoire. Car ici, on manipule les ingrédients comme des matériaux et on formalise les processus par des lois physiques. Les recettes s'adaptent et se transforment selon une démarche plus saine et durable. Utiliser moins de produits comme les sucre, moins d'énergie et d'eau pour atteindre les objectifs en termes de goût, de nutrition et de budget. Réaliser par exemple une mousse au chocolat avec moins de consommables ou bien transformer un déchet en matière première. Les défis se mélangent et n'entravent pas la créativité, bien au contraire. En stimulant l'imagination, les étudiants parviennent à innover sans jamais étioler la saveur. J'ai eu ce résultat-là. Alors les étudiants qu'on voit ici en fait ont un parcours, une coloration, on appelle ça de science et cuisine ou gastronomie moléculaire. Et donc l'idée c'est de travailler en projet sur des sujets complètement précurseurs. C'est-à-dire que moi-même en tant qu'enseignant, je ne sais pas quelle sera la réponse, mais c'est de les faire travailler en équipe autour d'un projet et de se dire tiens, c'est quoi l'outil de demain, c'est quoi l'ingrédient de demain, c'est quoi les textures de demain, mais de quantifier la science. Parce qu'un chef, il va pouvoir tester, goûter, apprécier avec toute la culture et tout l'empirisme. Mais là, c'est de se dire, on peut donner des grandeurs derrière. Vous voulez dire que c'est formalisable d'un point de vue scientifique, presque mathématisable ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, une pâte, c'est élastique. Mais c'est quoi l'élasticité ? Bah, c'est un module de Young. Un module de Young, ça se mesure. Et c'est parce qu'on quantifie les choses, qu'on formalise, qu'on arrivera après à prendre du recul. Ça, c'est vraiment la démarche scientifique. Et donc, si on prend du recul, alors on maîtrise ce qu'on fait et on peut prétendre innover. Voilà, faut y aller par étapes. Alors, bah là, voilà, je vous présente donc ce groupe d'étudiants qui travaille sur le siphon. Moi, je m'appelle Julien Grotter. Donc là, dans mon groupe, on étudie les mousses et l'influence du siphon. En fait, quand on a un siphon d'habitude en cuisine, bah, on ne connaît pas du tout la température, la pression, tout ça. On fait un peu à l'aveuglette. Et donc là, l'objectif, c'est de faire quelque chose d'assez simple et après d'essayer de quantifier les paramètres pour voir l'influence de la pression, la température. Alors, mademoiselle. Je suis Agathe Bobochescu-Dardé et je suis en L3 chimie. Et en ce moment, on travaille sur notre projet. En gros, c'était l'eau, en général, dans la cuisine. Et plus en particulier, dans la cuisson des aliments. On essaye d'utiliser le moins d'eau possible. Donc, quelle est la meilleure eau pour utiliser le moins d'eau et cuire les aliments ? On sent bien dans votre approche l'enjeu d'être plus respectueux, durable c'est vis-à-vis ça. Du coût global, être voilà, plus voilà. Parcimonieux, plus économe et moins polluant peut-être aussi. Quand vous parlez d'eau, c'est-à-dire qu'il faut optimiser l'eau, ça veut dire quoi exactement ? En fait, on essaye vraiment de trouver une qualité d'eau assez favorable pour en utiliser le moins possible. Dépenser moins d'énergie au final. Oui. Oui, c'est ça. Il faut être malin dans le processus. C'est ça, c'est ça. Pour se faire plaisir tout en, on va dire, respectant l'environnement, voilà, je pense. Mais des nouveaux défis aussi. Parce qu'on est là aussi parce que tout le monde aime la cuisine, cuisiner, et ce serait vraiment bien de pouvoir travailler sur notre impact sur l'environnement en même temps, en s'amusant, donc voilà. Moi, je m'appelle Marie Thabault, je viens du magistère de physique fondamentale d'Orsay, et on m'a proposé comme option la gastronomie moléculaire. Et c'était parmi une des options les plus originales qui étaient proposées. Et je suis venue ici principalement pour découvrir l'option et changer un peu du monde de la physique pure et voir des applications dans le monde un peu plus concret de ce qu'on pouvait faire avec les sciences. C'est pour montrer aussi que ça fait un peu comme les carnets de Julie, j'essaie de leur montrer ça. Ça, c'est eau, sucre et pectine de fruits. C'est quasiment le même taux de sucre et de pectine qu'il y a dans un fruit. Je suis Lungpak Jérémy et nous sommes en train de travailler sur les matériaux bio-inspirés. En l'occurrence là, on va prendre les pelures des fèves de cacao. On va essayer de prendre des matériaux qui sont totalement naturels et ce sont des sous-produits un peu indésirables. On va essayer... C'est des déchets classiquement. C'est ça, oui. Et on essaye de les revaloriser et là, en l'occurrence, on essaye de faire des matériaux qui sont assez solides pour peut-être faire des meubles, peut-être avec des coquilles d'œufs qu'on aurait jetées ou des choses comme ça. Parce qu'elles offrent des propriétés mécaniques ou thermiques intéressantes peut-être Voilà. Le but, ce serait de passer sur un modèle un peu sans déchets et de réutiliser les matériaux du coup qu'on n'utilise pas habituellement et qu'on jetterait et qui pollueraient pour refaire quelque chose d'intéressant derrière. Et donc là, en l'occurrence, on combine ça avec des algues pour un peu lier toute cette poudre de fèves de cacao et pour donner un matériau assez solide. Quoi. Pourquoi le mix avec les algues ? L'algue, en fait, elle va nous servir un peu comme de la colle pour lier tous les copeaux qu'on a pu broyer. Et là, nous, on essaye justement différents types d'algues pour savoir laquelle est la plus résistante, laquelle se déforme le mieux, ses propriétés. Ça, c'est le mix d'algues et de... Ouais. Ouais. Là, ils sont pas sortis. Ça sent le vieux gâteau. Ça sent le chocolat. Baptiste l'enfant. Alors là, c'est une mousse de chocolat. C'est une mousse qui est faite simplement à partir d'eau et de chocolat. Plutôt que mettre des blancs d'œufs, du sucre, plein d'autres choses à l'intérieur. C'est juste pour montrer qu'on peut faire une mousse au chocolat simplement avec de l'eau et du chocolat sans, en s'affranchissant en fait de tous les autres ingrédients qu'on peut rentrer dedans. Et simplement en fait avec la science de comprendre ce que c'est qu'une émulsion, comprendre ce que c'est qu'une mousse. Et de se dire finalement, aujourd'hui, on utilise des chocolats qui sont dits grands crus, un peu comme le vin, un peu comme plein de choses. L'idée, c'est aussi pour un chef, du coup, de se dire, ben, ok, j'achète un chocolat qui est plus cher, mais finalement, dans ma mousse, au final, j'ai simplement de l'eau et du chocolat. Donc je sublime en fait l'ingrédient et je m'affranchis de tout ce qui va cacher le bon goût du chocolat. Et puis en plus, on résout d'autres contraintes sur le fait de réduire les quantités, d'avoir moins d'ingrédients, d'être plus économe. C'est ça. Et à côté de ça, on a aussi une mousse qui est végétale, parce que on n'a pas enfin, sauf si on utilise du chocolat au lait, bien sûr, mais là, c'est du chocolat noir à 66%. On a simplement du chocolat et de l'eau, il n'y a pas d'œufs qui proviennent d'animaux et plein de choses comme ça. En tout cas, ça a une belle couleur, une belle texture et ça sent bon. Alors ça, c'est des conserves pour les uns. C'est ça. Ça, c'est les conserves pour Thomas Pesquet. Les conserves pour Thomas Pesquet. C'est ça. Là, on a... C'est écrit en russe, là, aussi. Russe et anglais, ouais. C'est les langues de lézard. On a une tarte amandine au poivre et un feuillet... gratin dauphinois, je crois. Un feuillet, c'est mille feuilles de pommes de terre, c'est ça. Et amandine au poivre. C'est ça. Merci Céline Lozel pour ce reportage. Thierry Marx, Raphaël Aumont, ça fait maintenant donc 15 ans que vous travaillez ensemble dans ce centre français d'innovation culinaire. Vous voyez donc au moins une fois par semaine. Vos derniers échanges, c'était à quel sujet ? Sur une recette, une technique, une question scientifique en suspens ? À chaque fois, c'est assez global, mais on a une vraie réflexion aujourd'hui sur nos recherches, qui est l'impact environnemental. Quand on parlait d'économiser d'eau, de mieux consommer ce que nous donne la planète, finalement, travailler sur une agriculture qui est presque une agriculture régénérative, ça aussi, c'était un point de repère dans ce cerveau collectif, finalement, qui est ce centre de recherche, de se dire, bah, est-ce qu'on va avoir raison ensemble ? C'est pas un individu qui peut avoir raison sur tout. Donc, à un moment donné, il faut collecter l'alimentation de demain, et ça, souvent le sujet, c'est, on va manger quoi en 2050, 2070 ? Probablement qu'en 2050, on y est déjà. Et donc, 2070, c'est quoi ? Bah, c'est-à-dire qu'il faut mieux nourrir la Terre, mieux la protéger. Le bien-être animal, diminuer notre consommation de protéines animales, c'est une évidence pour économiser l'eau. Et surtout qu'on soit capable de mesurer ce qu'est un bon produit. Et ça, c'est la science qui nous aide. Parce que quand vous voulez mesurer un bon produit, il faut mesurer plusieurs choses, trois choses. L'impact social, combien vous rémunérez les gens qui produisent. L'impact environnemental, comment vous respectez la planète. Et l'impact nutritionnel, c'est quoi un bon produit? Parce que si vous mangez que des calories creuses, finalement, votre santé ne va pas bien et l'ensemble de la collectivité ne va pas bien. Et aujourd'hui, cette dégradation de notre alimentation depuis 40 ans, eh bien, nous fait constater que dans les pays occidentaux, mais pas que d'ailleurs, eh bien, on a un problème avec ce que nous mangeons. Et tous les travaux que nous avons faits pour l'espace, et notamment pour les travaux qu'on a faits pour Thomas Pesquet, nous a donné un cahier des charges extrêmement intéressant pour entrevoir demain dans de meilleures conditions. Mais c'est ça, c'est qu'au sein de ce centre, vous avez fait donc de la cuisine pour l'espace. On peut se dire comme ça que la cuisine pour astronautes, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas, mais en fait, pas du tout. Mais oui, pas du tout, parce qu'en fait, travailler pour l'espace, ça nous permet d'anticiper ce qui va se passer un peu sur Terre. C'est-à-dire que là, en ce moment, justement, pour répondre à votre question, on travaille un peu sur des projets pour que va-t-on manger sur la Lune ou le voyage sur Mars, comment ça va se passer, parce qu'on peut pas se contenter d'apporter l'alimentation et de se dire, bah voilà, le voyage, il va durer 6 mois, donc pendant 6 mois, tu vas manger des boîtes ou des produits en poudre. Il va falloir commencer à faire, c'est pas de l'agriculture, mais il va falloir cultiver, il va falloir transformer. La cuisine, c'est une transformation de produits. Et enfin, on se rend compte du coup de se dire, mais quelle casserole, quel four, comment ça marche et quelle énergie. Et travailler pour l'espace, ça permet justement de se reposer des questions du pourquoi au quotidien. On a parlé tout à l'heure de la cuisson des légumes. Ok, mais alors, est-ce qu'on continue à cuire un légume dans une casserole avec plein d'eau et on maîtrise pas la température en bas, là, on maîtrise pas la température en haut? Combien d'énergie? Là, par exemple, récemment, on a réussi, c'est un travail collaboratif hein, avec le CNES, le CNES, de faire une mousse au chocolat en microgravité. Ça paraît tout simple, mais faire mousser, quelle énergie, quel fouet, combien de branches sur le fouet, quelle vitesse. Et finalement, on se dit aujourd'hui, on achète des robots parfois, c'est hallucinant d'ailleurs, 1 500 euros ou des trucs comme ça. Et la lame est toute petite. Alors on se dit, ah oui, alors toi t'as pris quel robot à 1 500 tours minutes? Ah non, mais c'est du 10 000 tours minutes, c'est beaucoup mieux que toi. Finalement, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la longueur de la lame qui compte. Et vous voyez, donc, de regarder au microscope, tiens, tu as fait du hachis, tu as fait une mousse, quelle taille de bulle, quelle énergie ça t'a pris, combien de temps, combien de température. Voilà, tout ça, c'est un impact. Et pour terminer là-dessus, on fait tout bouillir. C'est ce que disait Thierry tout à l'heure. C'est un drame parce que 100 degrés, c'est une catastrophe pour les saveurs, puisqu'à part dans la pièce, on en a déjà parlé. Et puis surtout, c'est pas la bonne température pour les textures. Et si on cuisait déjà tout à 80-85 degrés, vous voyez, si on bridait un peu quelque part nos casseroles ou nos plaques électriques à 85 degrés ou nos plaques induction, eh bien là, on aurait déjà ce 15 degrés de différence. Vous imaginez 15 degrés sur la planète entière de cuisson, c'est énorme en termes d'eau, en termes d'énergie. Voilà une première solution. Donc, faut arrêter de vendre des plaques à 7000 watts. Ça, c'est le premier constat. Et il faut surtout nous faire des casseroles avec des thermomètres intégrés et une vraie réflexion sur l'outil de demain. Donc, voilà sur quoi on travaille actuellement. Je reviens sur la cuisine du spatial et de ce vaisseau spatial qui est l'ISS. Où vous avez nourri Thomas Pesquet. Vous êtes orienté vers quel type de recettes, justement, dans cet espace très contraignant qui est C'est assez simple parce que là, nous, on va parler de comfort food. Donc la cuisine qui vous fait du bien, qui vous rattache à quelque chose, pas le lyophilisé qu'on va manger au quotidien, mais on a besoin de garder quoi? La commensualité, vivre ensemble. Ils sont en surpopulation. Sur cette planète, on est déjà en surpopulation. Donc il faut respecter ça. Donc comment je rentre en connexion avec l'autre? La commensualité, comment je vais manger? Il faut que je lui fasse découvrir ma culture. Comment le faire au travers de la cuisine. Et ça, ça a été quelque chose de déterminant pour nous, de dire, oui, on déprime avec notre alimentation aujourd'hui sur la Terre. Donc, ramener tout ce côté cuisine et l'impact environnemental. Et puis, il y a toute cette étude avec l'espace pour travailler sur cette surpopulation, parce qu'ils vivent en surpopulation, l'économie de l'eau, ça c'était très important, le fait de vouloir manger ensemble, et puis les emballages. Un astronaute ne peut pas vivre dans ses déchets. Donc il a fallu réfléchir sur les emballages. Mais l'expérience spatiale, le plat de l'astronaute, c'est le plat du grand voyageur. C'est ce qu'on avait fait aussi pour Samantha Davis, pour le Vendée Globe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas déprimer. Et qu'est-ce qui va vous ramener à votre vie passée, à vos amours, à l'amour de votre famille, à votre amour de votre territoire, de votre terroir, eh bien, c'est l'alimentation. Et ça, tous les psychiatres vous l'expliquent, hein, c'est ce besoin de retour aux sources par le foot qui va vous remettre en disponibilité d'esprit, en capable de partager avec les autres et pas de s'individualiser. D'ailleurs, Antonin Carême disait, le jour où il n'y a plus de gastronomie, il n'y aura plus de genre humain. Et c'est tout le danger de savoir aujourd'hui, quand on voit les viandes in vitro, par exemple, on se dit, mais on voit des dictatures qui investissent énormément d'argent là-dedans, pour se dire, on va maîtriser le pas cher et la nourriture des individus. Non, c'est une manipulation des masses quand même. Et donc l'alimentation, c'est pas anodin. C'est-à-dire de s'intéresser au monde universitaire, à la curiosité de ce monde universitaire et des sciences, au travers de la cuisine. D'abord, la cuisine, c'est très poétique, mais d'aller chercher un peu moins, presque un discours politique sur la cuisine, politique au sens étymologique du terme. Pas pour être élu meilleur ceci ou meilleur cela, ou maire de sa ville, mais de se dire, étymologiquement, dans ce mot politique, il est intéressant parce que c'est pour la cité, c'est pour tout le monde. Et dans le spatial, c'est un petit peu ce qu'on... Même quand vous travaillez pour 5 ou 6 astronautes, finalement, vous avez un enjeu qui est très intéressant sur les engagements que vous devez avoir sur la Terre. Comme vous dites aussi, l'alimentation, c'est la consommation. Sur un vaisseau, on ne peut pas vivre dans ses déchets, comme sur Terre. Et vous avez poussé justement l'idée du zéro déchet jusqu'au bout, avec le travail justement de la poire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que se dire, finalement, il y a une poire, il y a une peau qu'on d'habitude on jette, et puis on garde les pulpes pour faire le gâteau ou ce qu'on veut, ou une confiture, mais on se dit, mais dans cette peau qu'on vient de jeter, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fibres, il y a des celluloses, et pourquoi cette peau, elle est rigide? Vous regardez, par exemple, une peau de tomate, extrêmement fin, mais ça va faire quand même respirer le fruit. Donc ça passe d'un côté mais pas de l'autre. L'eau, elle rentre pas dans le fruit mais le fruit respire. Vous voyez, c'est très complexe en fait. C'est des membranes hyper malines. C'est des milliers d'années d'évolution. C'est ce qu'on dit souvent avec Thierry. C'est-à-dire que la nature, quand on la regarde comme ça, c'est 4,5 milliards d'années de R&D. Et finalement, l'homme, il est arrivé, c'est une virgule quoi dans l'histoire de la planète. Donc, faut revenir un peu modeste et se dire, on va regarder ce qui marche, parce que la nature a fait ça, essai-erreur en permanence, elle prend la meilleure solution au moment donné. Ça, c'est vraiment l'évolution. Et donc, pourquoi cette algue, elle est rigide alors qu'elle contient 95% d'eau? Pourquoi des choses? Pourquoi un bambou est hyper élastique? Pourquoi on revient aujourd'hui, finalement, à des échafaudages en bambou? Le bois, il est plus léger que ces trucs en métaux et qui pèsent toutes ces armatures métalliques, c'est énormément d'empreintes carbone. Si on transporte du bois, c'est moins lourd. Donc, on va peut-être revenir maintenant à des échafaudages en bambou. Vous voyez, cette logique, finalement, ce rationalisme qui vient, parce qu'on est au pied du mur, en fait, par la contrainte. Donc, on revient au bon sens. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre aussi aux CFIC et avec nos étudiants. On voit finalement, on leur partage pas tellement de contenu scientifique, on leur partage la curiosité, l'envie d'apprendre. C'est ce que disait Thierry aussi, c'est-à-dire travailler ensemble. Là, vraiment cette chance justement que Thierry soit venu à Orsay et d'intégrer la cuisine, la gastronomie dans une fac de sciences, c'est une première et on remercie vraiment Sylvie Retailleau pour ça parce que ça donnait une impulsion. Ministre de la Recherche. Mais à l'époque, elle était doyenne, et il y a 15 ans de ça, elle nous dit allez-y les gars, lancez-vous et c'est une opportunité incroyable de donner les étudiants. Maintenant, ils peuvent parler de projets, de travailler ensemble. Et ils vont découvrir tous ensemble et ça c'est passionnant en fait, c'est cette curiosité, cette transmission et la gastronomie permet de parler de plein de domaines. Mais d'ailleurs Thierry Max, lorsqu'on n'est pas scientifique de formation, est-ce que cette approche vous a demandé beaucoup de travail? Est-ce qu'il a fallu se mettre à niveau d'une certaine façon pour travailler avec les connaissances scientifiques? Est-ce que ça a été bien difficile? Bien sûr, ça nécessite de se mettre dans la curiosité encore une fois et d'aller chercher de la connaissance, d'interroger et d'essayer de se mettre au niveau et puis de la magie de ce centre, c'est que nous rencontrons plein de gens. Quand nous rencontrons Raphaël et moi Claude Fischler, il nous dit assez intéressant, vos travaux sont intéressants parce que il faut refaire le mangeur de demain. On est des consommateurs, on consomme tellement qu'on se consume et qu'on finit par consommer la planète. Donc il faut refaire les mangeurs. Comment refaire des mangeurs? C'est la connaissance. Et le pôle universitaire, moi ce que j'ai défendu auprès de Raphaël et auprès de Sylvie Retailleau, c'est de dire laissez entrer le monde de l'artisanat, le monde de ceux qui ont fait pour apprendre et qui n'ont pas appris pour faire. Et qu'il y avait une hybridation là qui était extrêmement intéressante entre des gens qui sont à l'université, qui ont appris à apprendre, qui sont curieux par nature en général, et qui développent un certain nombre de choses, et l'artisanat qui se croyait interdit de cela. Donc je dis, non, il faut que ces mondes se rapprochent, et cette curiosité finalement, donc pour moi en tout cas en tant qu'artisan, bien sûr que j'ai une culture de bibliothèque, j'adore ça, il y a une culture que je suis allé chercher, et puis d'interroger le scientifique. Et je vous dis ma grande découverte, c'est que dans un laboratoire, il n'y a pas de recette. Il n'y a que des cahiers d'essais. Or que moi, je venais d'un métier où il n'y avait que des cahiers de recettes. qui nous empêchait de nous tromper. C'est normal, on fait un acte commercial. On peut pas vendre une erreur à un client. Donc, il faut se dire, non, il faut un petit laboratoire à côté dans lequel je vais pouvoir faire mes essais, analyser mes essais et progresser. Et donc, ce que m'a appris le laboratoire, c'est d'accepter d'avoir des cahiers d'essais et de travailler plus loin avec des cahiers de recettes. Mais d'abord, le cahier d'essais me permettait d'expliquer mes erreurs. Un soufflet qui monte pas, bah, il y a une réaction physico-chimique que vous ne comprenez pas. Pas simplement un ingrédient que vous n'avez pas fait, vous n'avez pas la bonne astuce du chef Dupont ou Durand. C'est pas ça le sujet. C'est qu'à un moment donné, il y a une explication qui peut être scientifique, qui peut vous aider à progresser en tant qu'artisan. Vous, Raphaël Aumont, vous êtes un chercheur qui avait la chance de pouvoir goûter vos échantillons. Ah oui, c'est un luxe. Hein. On arrive à la toute fin de cette émission. Je voudrais bien que ce soit qu'on puisse terminer là-dessus. Vous évoquez justement les mangeurs de demain. Comment justement on travaille sur la gastronomie de 2050? On a évoqué le manque d'eau avec un stress hydrique qu'on prévoit pour l'avenir. Et comment penser aussi à la gastronomie de 2070, Raphaël Aumont? Ouais, c'est une réflexion sur le... D'abord, ça doit être du plaisir avant tout. Ça, c'est ce qu'on a quand même... Depuis, ça fait une heure qu'on parle de ça, de plaisir. Ça, c'est le message important. Et effectivement, il faut quand même répondre aux enjeux futurs. C'est-à-dire réfléchir sur les nouveaux outils de cuisson, de transformation, en lien, en phase, pour garder des équilibres avec la nature. C'est-à-dire l'eau, l'énergie. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pas incompatible, en fait, avec le plaisir. C'est-à-dire que la cuisine ne doit pas devenir une ordonnance en disant, bah oui, mais c'est pour la médecine, il faut manger ça. Pour ton corps, il faut manger ça. Pour la planète, il faut arrêter de manger ça. Je pense pas qu'il faut tomber dans les extrêmes, mais il faut se dire, ok, on peut peut-être raisonner différemment, mais pour ça, il faut comprendre ce qu'on fait, c'est toujours pareil. Donc la science doit être un outil, il faut investir dans la recherche, enfin, je dirais, pour imaginer le monde de demain. Mais dans tous les domaines, il faut investir dans la recherche. Thierry Marx? Non, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit de la part de Raphaël. Il y a une temporalité. J'ai expliqué le temps, Chronos, Kéros, sa décision aujourd'hui de manger mieux, c'est Aion, c'est la nature. Reprendre le bon sens des choses qui nous excluent pas de continuer à nous informer, nous instruire, de voir que ce monde se digitalise de plus en plus. Mais pour revenir aux propos, je milite et nous militons pour des cours de gastronomie. Vous voyez, ça peut paraître stupide comme ça quand on l'évoque, mais dans un cours de gastronomie, vous avez un cours d'arithmétique. Vous avez un cours d'hygiène alimentaire, vous avez un cours d'histoire-géographie, vous avez un cours de connaissance du produit, ce qui fera de vous le mangeur de demain. Donc plus vous allez intervenir dans les tranches les plus jeunes de la scolarité sur un engouement partagé sur cette culture générale qui est un cours de gastronomie, vous allez amener une population jeune, quand elle sera adulte, à redevenir des mangeurs, donc moins consommateurs et moins surconsommateurs de la planète. C'est tous les enjeux. C'est-à-dire que le programme pédagogique aujourd'hui de nos écoles, notamment les écoles hôtelières ou centres de formation, ne correspond pas à l'enjeu environnemental. Quand j'explique à un jeune cuisinier ou une jeune cuisinière que l'ingrédient le plus cher va être l'électricité et l'eau, il me regarde avec des yeux ronds, il continue à cuire 1 kg de haricots verts avec 10 litres d'eau. Donc il y a tout un travail pédagogique, encore une fois, sans être donneur de leçons, juste regarder dans quel état est notre planète et quels sont les enjeux de demain pour continuer à avoir une magnifique gastronomie qui, comme on l'écrivait dans l'Antiquité grecque, plaisir, bien-être, santé. On ne peut pas dissocier le manger, la cuisine, la gastronomie de l'acte de plaisir. Parce que c'est quand même, c'est Raymond Aron qui écrivait « Sensualité gourmande ». C'est un vrai plaisir de vie. Eh bien, c'était un vrai plaisir de vous avoir à nos côtés tout au long de cette heure. Merci Thierry Marx, merci Raphaël Aumont. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait saliver. J'espère que tous de votre côté, vous vous régalez à l'heure actuelle. Joyeux Noël. Le générique de fin et les remerciements à toute l'équipe de la science CQFD. Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Marianne Ibrahim, Noémie Eliazor, Garance Préma Agnolo, Céline Lozen à la réalisation, Max James à la technique aujourd'hui, Nicolas Bonnet. Vous pouvez nous écouter partout en podcast à toute heure, sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.